La troisième équipe sera connue après le match de barrage qui opposera Interstar et Delta Star de Gatumba au volleyball. Les provinces Bururi et Bujumbura Mairi vont s'affronter en finale du tournoi interprovincial édition 2019. Les détails avec l'IS Inina Hazwi. Les matchs de la demi-finale dans le championnat interprovincial en volleyball ont été joués ce week-end. Bururi a battu Mwaro 3-7 à 1. L'équipe qui a représenté la capitale politique de Gitega a été tenue en échec 3-7 à 0 par la formation qui a représenté la mairie de Bujumbura. Au football, le championnat Beach Soccer qui se joue au bord du lac Tanganyika a démarré ce week-end. Samedi, Africa Sport a battu les Elite FC sur un score de 5 buts à 4 et la formation Muti Mbashu Gassé a incliné 9 buts à 6 face à Muro Suppliers. Ce dimanche, le championnat a continué. La formation Saga Sable a battu Kanyosha Beach sur le score de 8 buts à 2 et Indundi Beach a été battu 6 buts à 3 par Bibamba Beach. L'autre actualité sportive qui a marqué la semaine écoulée, c'est la clôture du championnat national Ligue B. Delta Star a battu Lumière de Mumba 3 buts à 0. Burundi Sport Dynamique a égalisé à un score paritaire d'un but partout avec les éléphants et Unité FC s'est incliné 2 buts à 1 face à Top Junior de Kayanza. Le match qui était beaucoup attendu est celui qui a opposé Interstar et les jeunes athlétiques qui s'est soldé sur un score de 6 buts à 0 en faveur de l'Interstar. L'autre match qui a été joué, c'est Lumonge City qui a égalisé un but partout avec la formation militaire de Muzinga. Clément Mahungiro, l'entraîneur de Lumonge City, fait savoir que la période des jeunes pour les musulmans est la raison de cette défaite. J'ai beaucoup de musulmans. La deuxième mi-temps a été difficile car le souffle est terminé, car ils sont dans le jeûne. C'est pourquoi, en grande partie, on a perdu la deuxième mi-temps. Et c'est pourquoi vous avez vu que l'équipe B n'a pas bien tourné à la deuxième mi-temps. Les équipes Burundi Sport Dynamique et Top Junior sont déjà qualifiées pour le championnat de la première division Primus League édition 2019-2020. L'autre équipe sera connue après le match de barrage entre Interstar et Delta Star qui ont terminé le championnat dans les deuxièmes places dans leurs poules respectives. À la source, reportage. Je l'avais annoncé dans les titres, plus de 300 patients souffrant de l'hypertension artérielle ont été enregistrés dans la province sanitaire de Kayanza durant le premier trimestre de cette année. Selon le médecin directeur de cette province sanitaire, Dr Chongera, les maladies chroniques sont une réalité et certaines des malades disent prendre des médicaments, mais soulignent qu'il est difficile de s'en procurer pour des malades ne disposant pas de carte d'assurance maladie. Dr Hawa Uimana, médecin à l'hôpital de district de Kayanza, appelle la population à se faire dépister. C'est un reportage de Mireille Kanyang de retour de Kayanza. Ce patient d'une cinquantaine d'années, nous le rencontrons à l'hôpital de district de Kayanza. Il est hypertendu, nous confie-t-elle. Depuis 2002, je souffre de la diabète et c'est en 2005 que je suis sous traitement d'insuline. Maintenant, la maladie s'est compliquée. Pour le moment, j'ai à la fois l'hypertension et l'insuffisance rénale. La tension artérielle est élevée. Elle est au 19-10. Quand tu souffres de cette maladie, on est faible, on a des maux de tête, mais aussi des vertiges. Les signes de cette pathologie peuvent renvoyer à d'autres maladies, c'est notamment les céphalées, précise le docteur Hawa Uimana, médecin à cet hôpital. L'hypertension artérielle est une maladie d'abord qui est chronique. Pour les symptômes, il y a ce qu'on appelle les signes d'une maladie quelconque. Concernant l'hypertension, vraiment, il n'y a pas de signes spécifiques qui vont nous orienter vers une hypertension artérielle. Il y a des facteurs de risque. Pour les signes, on peut avoir d'abord un patient qui se présente avec des céphalées, une asthénie ou bien une fatigue. Mais ces signes peuvent nous orienter vers une autre pathologie.